Ainsi va la vie. Comment ça va comme un lundi? Je lis mon journal et mon week-end c'était banal. Je prends l'ascenseur et déjà de mauvaise humeur. Un dernier soupir, je veux m'emporter, m'écris, je m'enfuis, je suis mon chemin avec nostalgie. La rengaine est raide, tout est conflit, je crée mon malheur et accuse autrui. Et si je pouvais changer mes amis sans remettre en question ce que je suis? Ainsi va la vie, ainsi va la vie. La vie n'attend pas, et je travaille à Levallois. Né sous un bon signe, suffit ma peine et je domine à toute vitesse. Et puis je roule en Mercedes, je prends le pouvoir, je m'en vais et je prie, je construis pour mon père. Et mon frère aussi, je vis en miracle, je m'épanouis. Oublier un jour une vie à crédit. Depuis mon enfance, j'avais compris, et ces 800 vers que j'avais appris. Ainsi va la vie, ainsi va la vie. Je fais des efforts, je joue à la chasse au trésor. Mes rêves les plus fous, je monte les marches même à genoux. Touché par la grâce, je positive, c'est efficace. Faisant une prière, je me pose et souris. Remercie celui qui me guide et je m'accomplis. Je visite un monde endormi et je vois des anges jusqu'à l'infini. Que la vie est belle, loin des soucis, tout sera plus beau quand je serai parti. Ainsi va la vie, ainsi va la vie. J'habite à Marseille, entre la mer et le soleil. Jamais fatigué, prêt à 6 heures pour opérer. J'ai le goût du sang pour l'intérêt de mes patients. On m'appelle au bloc, je m'applique et oublie mes ennuis. Pense à mon prochain, sa famille aussi. Je suis le sauveur qui guérit. Malgré la douleur, il m'entend sourire. Et je me voyais déjà tout petit, faisant des miracles et j'ai réussi. Ainsi va la vie, ainsi va la vie. Le téléphone sonne, mais qui appelle et il s'étonne. C'est une petite fille et ses visages qui s'illuminent est venu du ciel. On s'embrasse pour la bonne nouvelle. Juste un dernier mot, elle s'endort, il frémit tout petit, les bras de sa mère tout au fond du lit. Et le petit Paul a déjà grandi. Ça n'a pas de prix. Où sont les valeurs qu'ils ont appris? Seulement le travail, une famille unie. Ainsi va la vie, ainsi va la vie. La vie n'attend pas, et je travaille à Levallois. Jamais fatigué, prêt à 6 heures pour opérer. C'est une petite fille et ses visages qui s'illuminent. Ainsi va la vie.